Du 27 novembre au 1er décembre, les masses médias de divers pays ont rapporté la nouvelle que le maréchal Kim Jong-un a exprimé une profonde condoléance au décès de Fidel Castro russe. Les agences de presse russes TASS et Lia Novosti, le journal russe Komsomolskaya Pravda, l'agence de presse Chine Nouvelle, le réseau de l'information chinoise, l'agence de presse Prensa Latina, le journal Granma et la radio L'Elor de Cuba, le journal vietnamien Nyunjun, l'agence de presse Inde-Asie, les agences de presse japonaises Gedo et Zizi, l'agence de presse bulgare Focus, l'agence de presse AFP, l'agence de presse états-unienne UPI, le website Google News, le journal uruguayen La Juventud, le journal brésilien O Globo et la page d'Internet du Comité brésilien de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un a envoyé un message de condoléances à Raoul Castro Ruse, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République de Cuba, à l'occasion du décès du dirigeant suprême de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruse. L'agence de presse russe TASS et le réseau de la planète chinois et l'agence de presse japonaise Zizi ont rapporté que le dirigeant coréen a envoyé une couronne mortuaire à l'ambassade cubaine en Corée, alors que la radio russe Sputnik, le journal hongkongais Takombao et la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, le réseau Chine Nouvelle, la télévision vénézuélienne Télésour, le homepage d'Internet du Comité national d'études des cités du Tutsi du Congo démocratique et le homepage d'Internet du Forum anti-impérialiste allemand Nouvelle des inspections ont présenté sa visite de condoléances à l'ambassade cubaine à Pyongyang.